السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وبعد. On va continuer ce que l'a dit Cheikh Al-Fawzan, Habibullah, dans son explication de la langue de l'islam. Il a dit, قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله الرابع من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. قال رحمه الله الرابع أي من نواقض الإسلام من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه إلى آخره. هذا يشتمل على مسألتين. الشيخ الذي شرح فوزان que le quatrième manuatif c'est le fait que la personne ait la croyance que la voix d'une autre personne est meilleure que la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou que le jugement d'une autre personne est meilleur que le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme celui qui favorise le jugement du Tawarit. On va expliquer après ce que c'est. Il y a du Tawarit à la Hukmihi, ceux qui favorisent le jugement des Tawarit face au jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fahoua kafir. Le cheikh a dit qu'il était mécréant. Cheikh Fawzan a dit hada yajtamilu ala mas'alatayn. Donc là, il y a deux questions. Ce sujet comprend deux questions. Al-mas'ala al-oula, man i'taqada anna hadiya ghayr ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam akmal min hadiyi. Yani, premier point, la première question, c'est le fait que la personne ait la croyance qu'une voix autre que la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est meilleure que sa voix. Et Cheikh Fawzan, il a dit wa hadiya ar-rasul دينه وطريقته التي يسير عليها في دعوته إلى الله في تعليمه وفي أخلاقه. Il dit que sa voix, sa guidée, c'est sa religion et le chemin sur lequel il chemine dans la religion et dans sa da'wa, son prêche et son enseignement et ses comportements. Il dit لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس هديا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Il a dit parce que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم c'est la meilleure des personnes au niveau de la guidée. C'est pour ça que dans le hadith il dit chaque Jumu'a la meilleure des paroles est la parole d'Allah et la meilleure des guidances est la guidance de Mohammed صلى الله عليه وسلم. Il a dit فهو أكمل الناس هديا من حيث معاملته مع الناس ومع المدعوين. Donc c'est la meilleure des personnes par rapport à son comportement et sa façon d'agir avec les gens, du même que avec ceux à qui il fait da'wa et il fait le prêche. فَكَانَ هَدِيُهُ مَعَ النَّاسِ أَنَّهُ يُعَامِلُهُمْ بِأَحْسَنِ مُعَامَلَةٍ يَدْعُوهُمْ بِأَحْسَنِ طَرِيقَ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Donc sa voix c'est que il agissait de la meilleure des façons avec les gens et avec ceux à qui il faisait da'wa. Et yani, il les appelait de la meilleure des façons à la religion d'Allah et il patientait avec eux, il les côtoyait de la meilleure des façons. Comme elle a dit dans le verset Innaka la'ala khuluqin 'azim, innaka la'ala khuluqin 'azim, et certes tu es d'une moralité imminente, وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. Dans notre verset, Allah l'a dit, c'est par quelques miséricordes de la part d'Allah, que tu es Mohammed, que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon d'Allah, et consulte-les à propos des affaires. فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بأحسن طريقة ما كان عليه الصلاة والسلام يستعمل الغلظة أو الغضب في تعليم كما في قصة الذي دخل وبال في المسجد فأمرهم أن يتركوه حتى يكمل بوله ثم أمر بذنوب من ماء فسب عليه ثم دعاه فقال له إن المساجد لم تبنى لذلك إنما بنيت لذكر الله عز وجل. Donc il a dit qu'il apprenait, il enseignait plutôt les gens de la meilleure des façons, ça c'est son comportement, et qu'il n'utilisait pas la dureté ni l'énervement dans l'apprentissage. Comme c'est arrivé dans l'histoire de la personne qui est entrée dans la mosquée et qui a uriné, il a dit aux compagnons de le laisser jusqu'à ce qu'il finisse d'uriner. Ensuite, quand il a fini, il a dit aux gens de verser un seau d'eau sur son urine. Et après, il a appelé la personne, il lui a dit que les mosquées n'ont pas été construites pour ça, elles ont été construites pour le rappel d'Allah, Azzawajal. وغير ذلك من الوقائع التي يتعامل فيها صلى الله عليه وسلم في تعليمه للناس بأحسن طريقة وأكمل هدي Il a dit qu'il y a d'autres exemples qui sont nombreux dans lesquels yani, il a étudié la meilleure des façons et la meilleure des voies pour enseigner aux gens. من ذلك أيضا ما كان يتحمل من أذى الناس ولا يغضب إذا أسيء في حقه. De même que il patientait et il supportait ce que les gens lui faisaient comme mal et il ne s'énervait pas lorsqu'on lui faisait du mal ou qu'on était irrespectueux envers lui. فَكَانَ يَحْلُمُ عَلَى الْمُسِيءِ أَمَّا إِذَا انْتُهِكَتْ مَحَارِمُ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَغْضَبُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ مَا كَانَ يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ إِنَّمَا كَانَ يَغْضَبُ لِلَّهِ هَذَا شَيْءٌ ثَابِتٌ عَنْهُ فِي سُنَّتِهِ. Le cheikh a dit qu'il était indulgent et patienté par rapport à ce qu'on lui faisait. Et il ne s'énervait pas pour sa propre personne, il ne se vengeait pas pour sa propre personne, sauf si on dépasse les limites d'Allah, Dans ce cas-là, il s'énervait pour Allah. Comme c'est dans la sunna, comme c'est dans le hadith de Aïcha, elle a dit « Man taqama Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nafsihi fi shay'in qat illa duntahaku hurmatullah, illa duntahaka hurmatullah, fa intaqimu lillah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais énervé pour sa propre personne, sauf si on dépassait les limites d'Allah, dans ce cas-là, il s'énervait pour Allah Azza wa Jal. Ensuite, le Cheikh a dit, حفظه الله, وكذلك لما جاءه رجل يتقاضاه دينا فأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم في القول فهم الصحابة به فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى خيرا مما له على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه زيادة وقال خيركم أحسنكم قضاء. Non, il dit que de même qu'une fois, une personne était venue pour demander une dette au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, yani demander qu'on rembourse sa dette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait emprunté une personne, un chameau. Ensuite, cette personne-là est venue pour demander qu'on lui rende. Et il a parlé de façon dure, un peu rude au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons ont voulu le frapper ou lui faire du mal. Le prophète a dit, laissez-le, parce que celui qui a le droit sur une personne a le droit de parole, a le droit de parler. Ensuite, il a dit qu'on lui achète un chameau et qu'on lui rembourse. Et les compagnons ont dit qu'ils n'ont pas trouvé de chameau équivalent, sauf un chameau qui est plus grand et qui est meilleur. Après, ils ont acheté ce chameau-là. Ils ont acheté ce chameau-là et ils lui ont donné. Il a dit, khayrukum ahsanukum qada'an. Il a dit que les meilleurs parmi vous sont ceux qui remboursent de la meilleure des façons. Ce sont ceux qui remboursent de la meilleure des façons. Ensuite, il a dit, Cheikh Fawzan, وكذلك هديه في تعامله مع أهل بيته كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهل بيته خير المعاملة. خير المعاملة. Même que sa guidée avec les gens de sa famille, de sa maison, il se comportait, sallallahu alayhi wa sallam, de la meilleure des façons avec les gens de sa maison. Et il disait, وَيَقُولُ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ. Il disait que les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui sont les meilleurs avec leur famille, avec les gens de leur famille, et moi je suis le meilleur envers ma famille. وَهَذَا شَيْءٌ مَعْرُوفٌ فِي سِيَرَتِهِ فَلَا أَحَدُ فَلَا أَحَدَ يُسَاوِي الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَدِيهِ. Le cheikh a dit que ça c'est quelque chose de connu. Il n'y a personne qui équivaut au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement et dans sa guidée et sa voix. فَكَيْفَ يَكُونُ خَيْرًا مِنْهُمْ فَمَنْ زَعْمَ أَنَّ أَحَدًا أَحْسَنُ مِنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيًا فَقَدْ كَفَرَ الْكُفْرَ الْأَكْبَرَ الْمُخْرِجَ مِنَ الْمِلَّةِ. Le cheikh a dit que toute personne qui prétend qu'une personne est meilleure que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa guidée, dans sa voix, et bien l'a mécru d'une mécréance majeure qui fait sortir de la religion. Deuxième point, deuxième question, c'est que celui qui a la croyance que le jugement d'une personne autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faqad kafar. Dans ce cas, il aura mécru. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لله فحكمه عليه الصلاة والسلام حكم صادر من الله عز وجل. Il a dit parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui transmet le message venant d'Allah azza wa jal. Donc son jugement, c'est un jugement qui vient d'Allah azza wa jal. Comme Allah l'a dit, كما قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce que Allah t'a appris, selon ce que Allah t'a appris. قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. Il a dit aussi et juge entre eux en fonction de ce qu'Allah a révélé. فالرسول إنما يحكم بحكم الله بما أراه الله لم يقل بما رأيت بل قال بما أراك الله. الشيخ فوزان il a dit que du coup le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il juge en fonction du jugement qu'Allah lui a évoqué et qui lui a révélé. Il a dit بما أراك الله, il a dit en fonction de ce qu'Allah t'a montré et t'a révélé et appris. Il a pas dit بما رأيت, en fonction de ce que toi tu vois. Donc ça veut dire que le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un jugement qui vient de lui mais qui vient d'Allah azza wa jal. فيجب تقبل حكمه صلى الله عليه وسلم والتسليم بالتسليم والانقياد كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Le cheikh a dit que dans ce cas c'est obligatoire de se soumettre à son jugement et de l'accepter. Parce que là, il y a un verset sur notre traduction rapprochée, Fala wa rabbika, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Fahuwa sallallahu alayhi wa sallam, yaqdi bi hukmillah azza wa jal, wa law akhta'a fi ba'd al-ijtihadat, fa inna Allah la yuqirruhu ala al-khata'. بل يبين له الصواب ولا يجوز الاعتراض على حكمه. Donc il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il juge en fonction du jugement d'Allah azza wa jal, et si jamais il se trompe dans certaines interprétations et efforts de réflexion, فإن الله لا يكره على الخطأ, Allah il ne le laisse pas sur l'erreur et il le corrige et il lui explique la réalité. Donc ça c'est une mas'ala à propos de laquelle les savants ont divergé. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a le droit de faire un ijtihad, de faire un effort de réflexion ou pas, un effort de réflexion ou pas, comme les autres savants? Certains savants disent que c'est possible et d'autres savants disent que non. Et ce qui est apparent de la parole du cheikh, c'est qu'il voit que c'est possible et que si jamais il fait une erreur, Allah azza wa jalla, il le corrige et il lui explique la réalité, ce qui est correct. Il a dit wala yajuzu al-i'tiradu ala hukmihi. Il a dit que c'est pas permis de s'opposer à son jugement, c'est pas permis de s'opposer au jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, il sera alors égaré d'un égarement clair. Donc Allah Ta'ala, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ مَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّكُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Il a dit, prenez ce que le messager vous donne et ce que vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah car Allah est dur en punition. Donc Allah Ta'ala, وَمَا يَنْتَقُوا عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Il a dit aussi, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ainsi, la sunna du prophète Mohammed, c'est une révélation. Comme les savants disent, Sadat Salaf disait qu'on voyait que Jibril descendait pour le Coran comme il descendait pour la sunna. Les savants disent que la différence entre les deux, c'est que le Coran, c'est le fait de réciter le Coran, ça c'est une adoration en soi. Alors que la sunna, le fait de réciter, ce n'est pas une adoration en soi. L'adoration, c'est le fait de mettre en application. De mettre en application la sunna, c'est ça qui est une adoration. Comme l'a dit Cheikh Abdel Mohsen Abad, il a dit « Al-Qur'an muta'abbad bitilawatihi wa sunna muta'abbadun bil'amali biha » Donc la sunna, la réciter, ce n'est pas une adoration. Ce qui est une adoration, c'est le fait de la mettre en application. Mais c'est quand même un wahi. C'est une révélation d'Allah. Il a dit « وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَهِيَ الْوَحِيُّ وَالْمَصْدَرُ الثَّانِي بَعْدَ الْقُرْآنِ » Il a dit que la sunna, c'est une révélation d'Allah Azzawajal et elle explique le Coran, elle la clarifie. Et c'est une révélation et c'est la deuxième source de révélation après le Coran. Ainsi, c'est obligatoire de respecter la sunna comme on respecte le Coran. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Donc le cheikh a dit qu'il est obligatoire de respecter comme on respecte le Coran et c'est obligatoire aussi d'accepter la sunna comme on accepte le Coran. Contrairement à ceux qui disent qu'ils n'acceptent pas la sunna, qui prennent que le Coran, comme ils disent le Coran Yun, ils disent que ça c'est quelque chose de très grave. Le cheikh Fawzan a dit dans un autre endroit que ceux qui font ça de façon exprès, ceux qui disent qu'ils ne suivent pas la sunna et qui sont des gens qui ont la science et qui font ça de façon intentionnelle, que ça peut aller jusqu'à la mécréance. Donc c'est quelque chose de très grave. La personne elle doit accepter la sunna comme elle accepte le Coran. Il a dit le verset Allah Azza wa Jal Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayllahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha samiu alim. Ô vous qui avez cru, ne dévancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, certes Allah est audient et omniscient. Fayajibu ala al-muslimi an yatalaqqa al-ahkama min kitabillahi wa sunnati rasulillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la yahkum fi shay'in bi ra'yihi al-mujarradi an al-dalil aw istihsanihi بل يتلقى الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il est obligatoire pour les musulmans de prendre les jugements, les ahkam, de les prendre du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, et qu'il ne juge pas dans une chose avec son opinion, sans preuve, sans dalil, ou avec l'istihsan. L'istihsan, ça veut dire que c'est le fait que la personne yani, donne un jugement. Mais que si jamais on demande un dalil, c'est pas le formuler. Ils disent que l'istihsan, c'est que le savant, si on lui demande une question, il répond. Mais si on lui demande le dalil, il ne sera pas donné de dalil. Il ne sera pas le formuler. Et certains savants divergent par rapport à ça. Certains savants disent que c'est une preuve, comme ils disent les Ahnaf. Et certains savants ont blâmé sévèrement l'istihsan. Comme il a dit Shafi'i, dans Rissal, il a dit l'istihsan talaz dudun. Il dit que celui qui utilise l'istihsan, c'est comme s'il avait légiféré une chose. Et comme il a dit Cheikh Hafid al-Hakami, il a dit Adillatu al-Shari'i al-Sharifi arba'a, muhkamu ayin, sunnatun muttaba'a, wa thalithu al-Ijma'u haythu yanjali, wa rabi'u al-Qiyas, wa khusus al-Jali, la ra'ya fi al-Din wa l'istihsana, fallahu qad akmanahu bayana. Cheikh Hafid al-Hakami, il a dit que les preuves de la législation musulmane sont au nombre de 4. Muhkamu ayin, un verset qui est clair. Sunnatun mutaba'a, une sunna qui est suivie. Wa thalithul ijma'u haythu yanjali. Et le troisième, c'est le consensus, ijma'. Wa rabi'ul qiyas. Et le quatrième, c'est le qiyas, l'analogie. Wa khususil jali. Et surtout le qiyas jali, qui est le qiyas clair. Ensuite, il dit la ra'ya fi d-din wa l'istihsan. Donc, dans la religion, il n'y a pas de ra'i, d'opinion, ni d'istihsan, comme dit Cheikh Fawzan ici. Qui est le fait que le savant donne un jugement, mais que si jamais il demande un délit, il ne sera pas le formuler. Donc, les Hanabila, ils ont blâmé ça, et Shafi'i aussi, il a blâmé ça. Mais certains savants l'ont utilisé, ils voyaient que c'est une preuve qu'on peut utiliser comme les Ahnaf. Et ce sont ceux qui ont le plus utilisé le Istihsan. Il a dit Bal yaltalaq al-ahkam min kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Fawzan a dit qu'au contraire, il doit prendre les jugements du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ولا يجوز له يتقدم أو يقدم قول فلان على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فقد قدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Il a dit que ce n'est pas permis pour la personne non plus de faire passer la parole d'une personne devant la parole d'Allah Azza wa Jal et la parole du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, que celui qui fait ça il aura fait passer la parole d'Allah et la parole du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. C'est comme s'ils avaient devancé. C'est ce qui est interdit dans le verset l'Alayhi, Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Ne devancez pas le prophète et ne devancez pas Allah et le messager. Donc le fait de prendre la parole d'une personne et de la faire passer devant la parole d'Allah et du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est comme si on avait dépassé et devancé Allah et son messager. Il a dit Wa la yajuz lahu an ya'mala aw yu'mila aqlahu wa fikrahu aw ay يقبل رأي غيره مما يخالف كتاب الله مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il a dit que c'est pas permis non plus qu'il utilise sa raison, son aql et son opinion, ou qu'il accepte l'opinion d'une personne qui est contradictoire à ce qui est dans le Coran et ce qui est dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est comme il a dit Shafi'i, il a dit « Qad ajma'a al-muslimun ala annahu man istabana lahu sunnatu rasul la yajuz lahu tarkuhu liqawli qailin kainan man kan liqawli qailin kainan man kan » que les savants sont tous d'accord, c'est un consensus des savants qu'une personne qui a vu la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui est apparu de façon claire, c'est pas permis pour elle de la délaisser pour la parole d'une autre personne, peu importe qui que ce soit. Et يجب اعتقاد ان حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق والصواب وان ما خالفهما هو الباطل. هذه عقيدة يعتقدها المسلم. Il a dit que c'est obligatoire d'avoir la croyance que le jugement d'Allah, Azzawajal, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui est la réalité, c'est ça qui est le vrai jugement. Et tout ce qui contredit ces deux choses-là, c'est faux et c'est caduque. Et ça, c'est une croyance que les musulmans doivent avoir. Il faut manier ta qada, an hukma al-makhlouki ahsan min hukmillah, Azzawajal, ou an hukma ghayri rasouli, sallallahu alayhi wa sallam, ahsan min hukmihi, faqad kafar. Hada min awakil islam. Il a dit que toute personne qui a la croyance que le jugement d'une créature est meilleur que le jugement d'Allah Azza wa Jal, ou que le jugement d'une personne autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien cette personne-là l'aura mécru. Et ça, c'est un des agnotifs parmi les agnotifs de l'islam. Masalatul hukmi bighayri ma anzalallah. Le cheikh il a dit à propos de la question, le point qui est de juger le jugement autre que ce qui a été révélé par Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire jugé par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Il a dit « وَمَنْ زَعَمَا أَنَا الْوَقْتَ قَدْ غَيَّرَ وَأَنَّ حُكْمَ كِتَابِ وَسُنَّةِ فِي زَمَانٍ قَدْ مَضَى وَأَنَّ الْحَالَ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ يَقْتَدِي أَنْ يُؤْتَى بِحُكْمٍ يُنَاسِبُ الْوَقْتَ الْحَاضِرَ كَمَا يَقُولُونَ فَهَذِهِ رِدَّةٌ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ فَهَذِهِ رِدَّةٌ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. Il a dit que toute personne qui prétend que les temps ont changé et que le jugement du Coran et de la Sunna, ça c'est dans un temps qui est passé, et que l'état des gens aujourd'hui sous-estime et sous-entend qu'on ramène un autre jugement qui correspond au temps présent dans lequel on vit, il a dit que ça c'est une ridda, ça c'est une apostasie de la religion. C'est-à-dire que la personne qui dit ça, elle est un apostat et elle sort de l'islam. فالذي يرى أن حكم الشريعة لا يناسب العمل لا يناسب العمل به في هذا الوقت وإنما يؤتى بأحكام وأنظمة تناسب الوقت في بزعمهم هذا كفر بالله عز وجل لأن شريعة صالحة لكل زمان ومكان إذا تقوم الساعة يجب أن يعتقد هذا وإن كان لم يتبين له صلاحيتها فهذا من نقصه هو ومن نقص إدراكه لا من نقص الشريعة. Il a dit que la personne qui voit que la législation ne convient pas avec le temps dans lequel on vit, qui ne convient pas non plus de la mettre en application, et qui va amener d'autres jugements et d'autres lois qui sont en conformité avec le temps dans lequel on vit, que ça c'est de la mécréance, pure, parce que la législation, la charia, elle est valable pour tout moment et tout endroit, pour tout moment et tout endroit, jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Et il a dit que le fait que la personne ne voie pas que la charia est valable jusqu'à la fin du monde, ça c'est suite à son manque à lui, ou suite à son manque de compréhension, et c'est pas un manque venant de la législation de la religion. Il a dit « هناك من يقول إن تطبيق الحدود ورجم الزنا وقطع يد السارق وقتل المرتد إن هذه الأحكام قاسية لا تتناسب مع هذا الزمان المتطور الذي تطورت فيه أفكار الناس وعقولهم فلا يناسب أن تطبق الحدود ولا أن يقام القصاص على القاتل لأنه وحشية. فهذه المقالات التي تصدر من بعض المنافقين ردة واضحة عن دين الإسلام لأنه اعتراض على حكم الله واعتبار أن حكم الله قاصر وغير مناسب هذه ردة صريحة عن دين الإسلام. Il y a d'autres personnes qui disent que le fait de mettre en application les peines légales, comme le fait de lapider le fornicateur et de couper la main du voleur et d'exécuter l'apostat, que ça, ce sont des jugements qui sont durs et qui ne conviennent pas avec cette époque-là qui est développée, dans laquelle la pensée des gens s'est développée et leur raison s'est développée, que ça ne convient pas de mettre en application ces peines-là. De même que de mettre en application la loi du talion, de tuer ceux qui commettent le meurtre, parce que c'est de la dureté et c'est quelque chose de sauvage, comme ils disent, quelque chose de sauvage, de wahshiya, sauvage. Il a dit فَهَذِهِ الْمَقَالَاتَ الَّتِي تَصْدُرُ مِنْ بَعْدِ الْمُنَافِقِينَ رِدَّةٌ وَاضِحَةٌ. Le chien a dit que ces paroles-là qui viennent de certains hypocrites, c'est une apostasie qui est claire. C'est une preuve d'apostasie qui est claire, qui fait sortir de l'islam. Parce que ça revient à contredire le jugement d'Allah Azzawajal et à considérer le jugement d'Allah comme étant incomplet et qui ne convient pas à l'époque où on vit. Il dit ça, c'est une ridda sariha. Ça, c'est une apostasie qui est claire, qui veut sortir de l'islam. كذلك من قال أنه مخير بين يحكم بالشريعة وأن يحكم بالقوانين إن شاء حكم بالشريعة وإن شاء حكم بالقوانين فالذي يقول هذه المقالة مرتد عن دين الإسلام لأن الله ليس فيه لأن حكم الله ليس فيه خيار من شاء أخذه ومن شاء تركه بل حكم الله ملزم كما قال تعالى أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. Il a dit que de même que ceux qui disent que on a le choix entre le fait de juger avec le jugement d'Allah, la charia, ou de juger avec les lois que les hommes ils ont décidées. S'il veut, il juge avec la charia, avec la législation, la religion, ou s'il veut, il juge avec les lois. Il a dit que celui qui dit ça, cette parole-là, ça c'est un apostat aussi. C'est un apostat qui sort de l'islam. Parce que le jugement d'Allah, il n'y a pas de choix possible. Si jamais on veut, on le prend. Si jamais on veut, on le délaisse. Il a dit que le fait de juger avec la charia, c'est quelque chose d'obligatoire. Mulzam. Comme Allah a dit, anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Juge alors parmi eux, d'après ce que Allah a révélé, et ne suis pas leur passion. Fahukmullahi mulzam. La yusluhu an-nasa illa hukmullahi subhanahu wa ta'ala. Falaysa al-amru bil khiyar. Le cheikh a dit que le fait de juger avec le jugement d'Allah, ça c'est quelque chose d'obligatoire et que rien ne peut réformer les gens si ce n'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix qui est possible. وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et la preuve, c'est qu'il n'y a pas de choix. C'est le verset dans lequel Allah dit, Azzawajal, sur notre traduction rapprochée, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. فالحكم بما أنزل الله نوع من أنواع العبادة فيجب على العباد كلهم أن يخضعوا لحكم الله جل وعلا ويعتقدوا أنه لا شيء يساويه أو أفضل منه فلا يظن أحد أن الأمر بالخيار وأن الناس أحرار كحرية الرأي أو حرية التفكير أو ما شبه ذلك مما ينادي به بعض الزنادقة والمنافقين والعلمانيين فالذين يقولون هذه المقالة قد كفروا لأنهم لا يمتثلون حكم الله سبحانه وتعالى ويتكبرون على حكم الله عز وجل. Le fait de juger avec le jugement d'Allah, ça c'est une forme d'adoration. Une adoration parmi les adorations. Et c'est obligatoire pour les croyants et les serviteurs tous de se soumettre au jugement d'Allah عز وجل et d'avoir la croyance qu'il n'y a rien qui est équivalent ou qui est meilleur que le jugement d'Allah et que c'est pas permis pour une personne de penser que c'est au choix. Si jamais les gens veulent, ils peuvent le faire, sinon ils peuvent ne pas le faire, et que les gens sont libres, comme ils disent qu'ils ont la liberté de penser, la liberté de réflexion, et d'autres parmi les choses que les gens disent, parmi les anadéqas, les hypocrites, et les pervers, et les laïcs. Ceux qui disent cette parole-là, le cheikh a dit qu'ils sont des mécréants, comme kafarou, parce qu'ils ne mettent pas l'application du jugement d'Allah Azzawajal et ils sont orgueilleux face au jugement d'Allah Azzawajal. كذلك من يقول إن حكم الله حق ولكن لا يلزم الالتزام لا يلزم الالتزام به ويجوز للإنسان أن يحكم بغيره وأن يتمشى مع الزمان إذا رأى المصلحة في ذلك هذا مرتد عن دين الإسلام لأنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. De même que ceux qui disent que le jugement avec la loi d'Allah, c'est une réalité, quelque chose de réel, mais que ce n'est pas obligatoire d'obliger les gens, que ce n'est pas obligatoire d'obliger les gens, que ce n'est pas obligatoire d'obliger les gens à juger avec la loi d'Allah, que la personne, elle peut yani, s'arranger en fonction du temps. Si jamais elle voit la mastaha, si elle voit que dans ça, il y a un bienfait, elle peut se conformer à certaines lois qui sont faites par les hommes. Le cheikh a dit que ça c'est aussi de l'apostasie, ça aussi c'est de l'apostasie qui fait sortir de l'islam. Donc, même si la personne dit que c'est réel, mais qu'il se permet de juger par autre que la loi d'Allah, soi-disant pour être en conformité avec l'époque et le moment dans lequel on est, que ça c'est de l'apostasie aussi. Parce qu'il n'est pas permis de juger par autre que la loi d'Allah qui l'a révélé. وأيضا ذلك لا يحل المشاكل بين الناس بل يزيد الإشكال إشكالا فإذا قلت لهذا إن هذا حكم الله جل وعلا فلا يسعه إلا يقبل حكم الله. Tout jugement autre que le jugement d'Allah, c'est un jugement qui est caduque et que ça ne résout pas les problèmes, ça ne résout pas les problèmes entre les gens, au contraire ça augmente tes problèmes en problème, ça augmente tes problèmes et ça y rend encore un plus compliqué. Mais si jamais tu dis à une personne que ça c'est le jugement d'Allah, eh bien il n'a pas d'autre choix que de se soumettre et d'accepter le jugement d'Allah. Comme elle a dit dans le verset, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Elle a dit dans le verset que la parole du croyant, quand on les appelle au jugement d'Allah et à son messager, c'est de dire سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Nous avons entendu et nous avons obéi. Nous avons entendu et nous avons obéi. أي لا خيار في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن شئت قبلت أو إن شئت لم تقبل لكن إن شئت أن تتنازل عن حقك فهذا شيء آخر أما أن تقول ما أقبل أذهب إلى المحاكم القانونية فهذه ردة عن دين الإسلام Donc le cheikh a dit qu'il n'y a pas de choix dans le jugement d'Allah et de son prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Si jamais on veut on accepte, si jamais on veut on n'accepte pas. Il a dit qu'au contraire, si jamais tu veux délaisser ton droit, ça c'est possible. Ça c'est une chose autre, c'est une autre chose. C'est pas pareil, mais par contre, de dire que j'accepte pas le jugement ou que je vais dans les tribunaux dans lesquels ils jugent avec les lois des hommes, ça c'est une apostasie qui fait sortir de l'islam. Et « Amma man i'taqada annahu la yajuz al-hukmu bi ghayri ma anzalna wa ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lakinnahu khalafahu li hawan fi nafsihi min i'tiqad annahu fa'ala muharraman » وحملته الشهوة والهوى على أن حكم بغير ما بغير حكم الله أو حمله الطمع أو حمله الطمع كان دفع إليه رشوة أو مال فحكم بغير ما أنزل الله طمعا بالمال وهو يعتقد أنه عاص مخالف لأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أو حكم بغير ما أنزل الله طمعا في منصبه وهو يرى أنه مخطئ وأن عمله هذا لا يجوز فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة إنما يكفر الكفر الأصغر كفرا دون كفر كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. Il dit par contre celui qui a la croyance qui n'est pas permis de juger par autre que le jugement d'Allah et par autre que le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il a contredit cela suite à une passion ou suite à yani, une envie d'argent ou autre, avec sa croyance que ce qu'il a fait c'est interdit et qu'il a été poussé par la shahwa, par le désir d'argent ou par ses passions, et il a jugé par autre que le jugement d'Allah, et qu'il a eu l'espoir aussi, comme le fait qu'on lui donne de l'argent ou qu'on lui donne de l'usure, un pot de vin ou de l'argent, ce qui fait qu'il a jugé par autre que la loi d'Allah, en ayant l'espoir d'avoir cet argent-là et qu'il a la croyance qu'il est ce qu'il a fait c'est une désobéissance. Il a la croyance que ce qu'il a fait c'est une désobéissance et qu'il a contredit l'ordre d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fait ça pour un intérêt mondain, pour préserver son poste ou pour de l'argent ou autre. Il a dit que lui, il sortira pas de la religion, il sortira pas de l'islam, il sera pas mécréant de mes créances majeures, mais sera une mécréance mineure. Mécréance mineure, kufran duna kufr, comme il a dit Ibn Abbas dans le tafsir du verset de Sourate Maïda. Il fait hadha alladhi yakunu kufru duna kufr. Donc ça, c'est la mécréance en dessous de la mécréance, une mécréance mineure qui n'est pas majeure. Ou min hakama min ghayri ma anzalallah li hawan fi nafsihi. La يعتقد أن هذا يجوز أو أحسن من حكم الله أو أن هذا مساو لحكم الله إنما حمله هواه على هذا أو أنه طمع في مال أو منصب فحكم بخلاف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الذي صرفه من غير اعتقاد فهذا يسمى كفرا عمليا وهو من الكفر الأصغر وهو كبيرة من كبائر الذنوب وخطير جدا ولكن لا يحكم لكن لا يحكم أنه لأنه خارج من الملة لأن عقيدته باقية. Donc il y a celui que, qui juge par autre que la loi d'Allah suite à une passion, comme on a dit, mais qui a croyance que ce n'est pas permis, et il sait que ce n'est pas permis, et il n'a pas la croyance non plus que c'est permis ou que c'est meilleur que le jugement d'Allah ou que c'est pareil que le jugement d'Allah. Mais il a fait ça par passion ou par espoir d'avoir de l'argent pour préserver son poste, et il a jugé par autre que la loi d'Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par comme on a dit, intérêt mondain à cause de l'argent ou d'un poste, ainsi de suite, sans avoir la croyance que c'est meilleur ou que c'est pareil ou que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah. Il a dit que ça, c'est pas de croyance majeure, et ça s'appelle kufr amali, c'est de la mécréance liée aux actions, c'est pas de la mécréance liée à la croyance kufrun i'tiqadi, comme il disait avant. C'est une mécréance qui est liée aux actions kufrun amali, et ça fait partie de la mécréance mineure, et c'est un grand péché parmi les grands péchés, et c'est très dangereux, mais on ne juge pas que c'est un mécréant, on ne dit pas qu'il est sorti de l'islam, parce qu'il y a toujours sa croyance qui est présente. Ensuite, le Cheikh dit, « وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ نَتِجَةَ خَطَئٍ فِي الْإِجْتِهَادِ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْإِجْتِهَادِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ مُخَالَفَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فهو يريد الحكم بما أنزل الله ولكنه لم يوفق للصواب فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور لأنه لم يتعمد هذا الشيء وهو حريص على أن يحكم بالشريعة واجتهد يطلب الحكم الشرعي لكنه لم يوفق هذا يؤجر على اجتهاده Par contre, celui qui juge par autre que la loi d'Allah, mais en faisant une erreur, suite à une erreur de réflexion, c'est-à-dire qu'il a fait un ijtihad et qu'il a la capacité de faire un ijtihad, de faire un effort de réflexion, et il n'a pas voulu contredire le Coran et la Sunna de façon intentionnelle, il veut juger par le jugement d'Allah, par la loi d'Allah, mais il n'a pas eu la facilité de trouver les bons jugements, il n'a pas eu tawfiq, la réussite, il n'a pas réussi. Et bien dans ce cas-là, on dira, comme l'a dit le prophète Mohammed dans le hadith, que lorsque le juge fait un effort de réflexion et qu'il trouve la vérité, il aura deux récompenses. Et si jamais il se trompe, il aura une seule récompense. Il aura une seule récompense. Et son erreur sera pardonnée. Son erreur sera pardonnée. Et son ordre s'en prend une parce qu'il a cherché le jugement dans l'Azzawajal et le jugement légiféré, mais il n'a pas eu la réussite et il n'a pas pu le trouver. Donc il aura une récompense pour son effort de réflexion et sa bonne intention, et son erreur sera pardonnée. Son erreur sera pardonnée parce qu'il n'a pas fait exprès de se tromper. الأمور التفصيلية في هذه المسألة العظيمة في هذه المسألة العظيمة التي هي مشكلة هذا العصر الآن التي هي مشكلة العصر الآن. الشيخ عيسى سلو ديتاي les différents points qui sont liés à cette masala là, ce point là qui est très important, ce point là qui est très important. Il a dit وهي مشكلة العصر الآن, et ça c'est le grand problème qu'on a à notre époque. Suite à beaucoup de khawarij qui disent que toute personne qui juge par autre que la loi d'Allah sont des mécréants. Ils rendent mécréants tous les présidents. Ensuite, ils disent que tous les musulmans qui les suivent et qui leur obéissent aussi sont des mécréants. Donc, du coup, ils rendent mécréants tout le monde. Ils rendent mécréants tout le monde parce qu'ils ne comprennent pas cette masala-là et ces différents points-là. زيد شخص فزان ناجي حبيب الله. مما يتعلق بهذه المسألة أن الحكم الذي أنزل الله ليس كما يفهم بعض الناس الذين ينتسبون إلى الدعوة أنه الحكم في المنازعات المالية والحقوقية فقط، ولا يطالبون إلا بهذا الشيء أن يحكم بما أنزل الله في المحاكم فقط. نعم، هذا حق يجب أن يحكم بما أنزل الله في الخصومات التي تجري في المحاكم، وأن تحل الخصومات والمنازعات بين الناس بالشريعة، لكن ليس الأمر قاصرا على هذا، بل يجب الحكم بما أنزل الله في العقائد التي هي أهم شيء. فأهم شيء العقيدة، أهم شيء العقيدة. نعم، يعني parmi ce qui est lié à ce point-là aussi, c'est que le fait de juger par la loi d'Allah, c'est pas comme le pensent beaucoup les personnes qui sont affiliées à la da'wah et au prêche, qu'il suffit juste de juger par la loi d'Allah dans tout ce qui est litige lié à l'argent ou au droit, et qui ne demande rien d'autre à part ça, qu'on juge avec la loi d'Allah dans les tribunaux, seulement dans les tribunaux. Le cher dit que na'am, hada haqqun, ça c'est sûr que c'est une réalité, c'est vrai, il faut juger avec la loi d'Allah dans les différents litiges qui ont lieu entre les gens et qui sont aux tribunaux, et que les problèmes et les litiges soient réglés avec la législation, mais que c'est pas limité à cela, plutôt il faut juger avec la loi d'Allah, même dans la croyance qui est la plus importante des choses, qui est la chose la plus importante. Il a dit فأهم شيء العقيدة. La chose la plus importante, c'est l'aqida. L'aqida, la croyance, c'est la chose la plus importante avec laquelle il faut juger par la loi d'Allah entre les gens. Ensuite, il dit والناس مختلفون فيها فلا بد يحكم بينهم بما أنزل الله فتبين له من العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة. Il a dit que les gens divergent par rapport à l'aqida. Donc, du coup, il faut juger entre eux par la loi d'Allah, parce qu'Allah il a révélé, et il a expliqué la aqidah qui est correcte, la croyance qui est correcte, et la croyance qui est caduque. أما يقال دع الناس على ما هم عليه من عقائد ولا تنفر الناس كل له عقيدة فهذا لا يجوز وهو كلام باطل ومن أجاز يختار كل إنسان العقيدة التي يريدها وأن الناس أحرار في الاعتقاد فهذا يرتد عن دين الإسلام. Il a dit que par contre, le fait de dire de laisser les gens comme ils sont avec leurs croyances, et ne faites pas fuir les gens, et que chacun a le droit à avoir sa croyance, il a dit que ça c'est pas permis. Ça, ce n'est pas permis, c'est une parole qui est fausse, et que celui qui donne la permission aux gens de choisir leur croyance, que chacun choisisse la croyance qu'il veut, et que chacun est libre d'avoir la croyance qu'il veut, il dit que ça c'est de l'apostasie. Ça c'est de l'apostasie qui fait sortir de l'islam. فالواجب أن تكون العقيدة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Il a dit que ce qui est obligatoire, ce qui est wajib, c'est que la croyance soit en conformité avec le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le tawhid de la seigneurie et dans le tawhid de l'adoration de la divinité et le tawhid des noms et des attributs. توحيد الألوهية يجب الحكم فيه بما أنزل الله بأن العبادة لا تكون إلا لله وأن عبادة ما سواه شرك أكبر يخرج من الملة ولا بد من الحكم بهذا. هذا هو الأساس. D'ailleurs, توحيد l'adoration de la divinité, c'est obligatoire de juger avec ce qu'Allah a révélé entre les gens, que l'adoration elle ne peut être que pour Allah Azza wa Jal, et que toute adoration pour autre que lui, c'est du shirk, du polythéisme majeur qui fait sortir de la religion, qui fait sortir de la religion de l'islam, et qu'il est obligatoire de juger entre les gens par la loi d'Allah. Ça c'est la base. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وما أرسله من أجل أن يفصل الخصومات فقط بل أرسله لكي يدعو إلى العقيدة الصحيحة ويصححها وهذا هو الأمر الذي بدأت به الرسل فهي تبدأ بالعقيدة وليس مرادهم حل الخصومات فقط بل تبيين العقيدة الصحيحة ويحكم على من خالف العقيدة الصحيحة أنه كافر ومشرك من عبد غير الله من ذبح غير الله أو من ذبح لغير الله من نذر لغير الله من استغاث بالأموات فهل يترك هذا ولا يحكم عليه بمنزل الله. Le cheikh a dit que quand le prophète sallam il a envoyé Mu'az au Yémen, il lui a dit que la première chose à laquelle tu devais appeler, c'est l'attestation qu'il a dignité et digne d'être le réel endroit si ce n'est Allah et que Mohammed sallam est son messager. Il n'a pas envoyé pour qu'il juge entre eux, les gens suite au litige qui est entre eux seulement, mais plutôt il a envoyé pour qu'il appelle au tawhid et qu'il corrige la croyance des gens. Et ça, c'est la chose par laquelle les prophètes y commencent. Ils commencent toujours par la croyance. Et le prophète, et les prophètes plutôt, leur but c'est pas de juger les problèmes et les litiges entre les gens seulement, mais plutôt c'est de clarifier la croyance correcte et de juger de toute personne qui a contredit la croyance qui est correcte, qu'il est mécréant. Toute personne qui contredit la croyance, la aqida, qui est correcte, on jugera de lui. Si jamais il fait une mécréance, qu'il est mécréant. Et si jamais il fait du shirk, on dirait qu'il est mouchirik, qu'il est polythéiste. Celui qui adore autre qu'Allah, ou qui égorge pour autre qu'Allah, ou qui fait un vœu pieux, qui fait un vœu pieux pour autre qu'Allah, ou qui demande secours aux morts, est-ce qu'on le laisse comme ça? Le cheikh l'a dit, hal yutrak hada wa la yuhkam alayhi bima anzala Allah. Est-ce qu'on le laisse comme ça et on ne juge pas sur lui avec la loi qu'Allah a révélée? Ensuite, le cheikh l'a dit, wa in takhasama ma ahadin fi shatin yuqal ihkumu بينهما بما أنزل الله وتركوه على عقيدته إن كان مشركا وإن كان مشركا فهذا لا يجوز لابد من الحكم بما أنزل الله أولا في العقيدة. Il a dit que si jamais il est en litige avec une personne à propos d'un mouton, ils vont dire juger entre eux par la loi d'Allah et laissez-le sur sa aqida, laissez-le sur sa aqida, même si c'est un mushrik, même si c'est un polythéiste. Le cheikh a dit que ça c'est pas permis, هذا لا يجوز لابد من الحكم بما أنزل الله أولا في العقيدة. C'est obligatoire de juger par la loi d'Allah, premièrement dans l'aqida, dans la croyance. وكذلك الحكم في الأسماء والصفات يحكم على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والخوارج والمرجئة بما أنزل الله ويبين بطلان عقائدهم. أما توحيد الربوبية فلا نزاع فيه. أما أن يقال اتركوا الناس على عقائدهم فهذا أمر باطل ومنكر وهذا مخالف لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit qu'il est pareil pour le jugement à propos des noms et des attributs d'Allah. À propos des noms et des attributs d'Allah, il faut juger avec la loi d'Allah. On juge par rapport aux Jahmiya, aux Mu'tazila, aux Sha'ira, aux Maturidiya, aux Khawarij, aux Murjiya. On juge à propos de ces personnes-là par la loi d'Allah, par ce qu'il a révélé. Jahmiya, c'est connu ceux qui suivent Jahmi ibn Safwan, qui est l'étudiant de l'élève de Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Mu'tazila, c'est les suiveurs de Wasil ibn Atta. On les appelait Mu'tazila parce que Wasil ibn Atta, c'était un étudiant de Hassan al-Basri. Après, il a délaissé son assise et Atazala. Il a délaissé son assise et Hassan al-Basri il a dit I'tazalana wasil, I'tazalana wasil, il nous a délaissé. Donc ils ont appelé le Mu'tazila. L'Asha'ira, c'est suiveur de Abu Hassan al-Ash'ari. Et c'est connu qu'il s'est repenti avant de mourir et qu'il est revenu sous le madhab des gens de la Sunna et d'Imam Ahmed. Comme il a dit dans son livre Al-Ibana, qui s'est repenti, qui a délaissé cette voie-là, mais quand même les gens continuent à le suivre dans cet égarement-là. Le Maturidiya, c'est un suiveur de Abu Mansour al-Maturidi. Abu Mansour al-Maturidi et al-Khawarij sont connus, ceux qui se rebellent contre les gouverneurs et ils sortent contre les gouverneurs. Et al-Murji'a, ça c'est ceux qui disent que les actions ne font pas partie de la foi, que les actions ne font pas partie de la foi. Donc tous ces groupes-là, on doit juger à propos d'eux avec ce qu'Allah a révélé. On doit expliquer la nullité et la fausseté de leurs croyances et clarifier aux gens. Ensuite, le cheikh a dit par rapport au tawhid al-rubiyya, le tawhid de la seigneurie, s'il n'y a pas de divergence, il n'y a pas eu de divergence, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, le fait de dire qu'on laisse les gens avec leurs croyances, ça c'est quelque chose de caduque et de faux, et que c'est quelque chose de blâmable. C'est quelque chose de blâmable, et c'est contraire à la da'wa et à l'appel aux prêches des prophètes et messagers, et surtout notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh a dit, حفظ الله, والأسماء والصفات قد حصل فيها نزاع بين الطوائف بين أهل السنة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية فلا بد من أن يحل هذا النزاع الذي حصل بين هذه الطوائف بأن يرجع إلى كتاب الله ويحكم بما أنزل الله عز وجل ويبين صواب المصيب وخطأ المخطئ ولا يترك الناس بدون بيان ودون حكم وحكم الله شامل في العقيدة وفيما دونها. Il a dit que par rapport aux noms et attributs, il y a eu de grandes divergences entre différentes sectes et différents groupes, entre les gens de Sunna et les Jahmiya, les Mu'tazila, Ash'ari'a, les Maturidiya. Donc il faut absolument régler ce problème-là qu'il y a eu entre les différentes sectes en revenant au Kitab et au Sunna, en revenant au Coran et en jugeant par la loi d'Allah qui est révélée à Zawiyan. Et qu'on clarifie la réalité et qu'on clarifie qui est-ce qui a raison. Qu'est-ce qui a raison et qu'on clarifie aussi qu'est-ce qui a tort et qu'on corrige l'erreur de celui qui a tort. On n'a pas de laisser les gens sans explication et sans jugement entre eux. Donc le jugement d'Allah, comme tu dis, le hukm d'Allah, ça englobe la croyance en premier et tout ce qu'il y a en dessous de la croyance. Ensuite, le Cheikh il a dit وَكَذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ تَحْكِيمِ الشَّرِيعَةِ فِي الْعِبَادَاتِ لِأَنَّ هُنَاكَ عِبَادَاتٌ تَتَمَاشَى عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وهناك عبادات محدثة ليس لها أصل في الكتاب والسنة فهذه بدع يجب بيان بطلانها وقد بينه صلى الله عليه وسلم فصل فيه فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Cheikh dit que de même que c'est obligatoire de juger avec la sharia par rapport aux adorations, par rapport aux adorations, parce qu'il y a des adorations qui sont conformes avec le Kitab et le Sunna, mais d'autres adorations sont innovées et qui n'ont pas de base dans la religion, ni dans le Kitab, ni dans le Kitab, ni dans le Sunna, ni dans le Coran, ni dans le Sunna, et que ce sont des innovations qu'il faut expliquer et clarifier leur fausseté. Et que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué cela, il a dit Man amina amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Toute personne qui fait un acte non conforme à notre religion sera rejeté. Il a dit aussi « Iyakum muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala » Prenez garde aux choses inventées car toute chose innovée est une bid'a et toute bid'a est un égarement et tout égarement conduit au feu. Il dit « Fala buddha min tadbik hukmillahi azza wa jal fi ibadat fa mawafaka al-kitab wa sunna fa mawafaka al-kitab wa الكتاب والسنة فهو صحيح ومن خالف الكتاب والسنة فهو باطل. Ainsi, il faut absolument mettre en application le jugement d'Allah Azza wa Jal dans les adorations. Tout ce qui est conforme au Coran et la Sunna, ça c'est correct, et tout ce qui contredit le Coran et la Sunna, ça c'est faux et c'est caduc. ولا يجوز التساهل في هذا الأمر والتغاضي عنه وأن يقال اتركوا الناس لا تنفروهم. Il a dit qu'il faut absolument expliquer cela, et c'est pas permis d'être laxiste par rapport à ça et de fermer les yeux sur ça et de dire qu'on laisse les gens et qu'on ne les fait pas fuir. Il a dit que nous on fait pas fuir les gens, mais plutôt on veut le bien pour les gens, on veut le bien pour les gens, et on veut qu'ils reviennent à la réalité, ce qui est correct, et qu'ils viennent à la vérité, qu'ils reviennent à la vérité, et ça c'est mieux pour eux dans le dunya et dans l'akhira, dans le dunya ici, dans la vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, dans la vie de l'au-delà. Et ça c'est le regroupement qui est correct, parce qu'il ne suffit pas de se regrouper, ce qui est important c'est de regrouper de façon correcte. أما إذا تركناهم على ما هم عليه من بدعة وشرك وتعطيل لأسماء الله وصفاته فهذا غش للأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين نصيحة كنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Par contre, si jamais on les laisse comme ils sont avec l'innovation et le polythéisme et le fait de nier les noms d'Allah et ses attributs, ça c'est le fait de tricher et de tromper la Ummah, c'est une tromperie par rapport à la communauté. Et le prophète a dit sur le hadith, dinu nasiha, que la religion c'est le bon conseil. Et ce compagnon a dit pour qui? Il a dit pour Allah et son livre, et pour son messager, et pour les guides des musulmans, et pour le commun des musulmans. فذلك التحكم من الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الله أمر بطاعته ونهى عن معصيته. فكون الناس يتركون ما لا ينكر عليهم ولا يؤمرون ولا ينهون فهذا من تعطيل حكم الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Il a dit que de même que le fait de juger et de revenir au jugement d'Allah par rapport à ce qui est le fait de donner le bien et d'interdire le mal, et d'interdire ce qui est blâmable. Parce qu'Allah Azzawajal, il a ordonné qu'on lui obéisse et il a interdit qu'on lui désobéisse. Donc le fait que les gens soient délaissés, qu'on ne les blâme pas et qu'on ne les ordonne pas et qu'on n'interdise pas non plus de faire le mal et ce qui est blâmable, ça revient à annuler le jugement d'Allah, ça revient à annuler et anéantir le jugement d'Allah. Comme le prophète a dit sur Salam, Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa biqalbihi fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adha'fu al-iman. Que celui qui voit parmi vous quelque chose de blâmable, qu'il le change par sa main. Si jamais il ne peut pas, il le change par sa langue. Et si jamais il ne peut pas, qu'il le change avec son cœur. Et ça, c'est le degré le plus bas de la foi. Le degré le plus bas de la foi. فحكم الله يأتي أيضا في الأمور في أمور المخالفات التي هي دون الشرك والكفر، فلا بد من بيان حكم الله فيها ويبين ما هو طاعة وما هو معصية وما هو معروف وما هو منكر. Donc le jugement d'Allah, ça englobe aussi les choses qui sont contradictoires et qui sont en dessous du shirk, du polythéisme et de la mécréance. Donc il faut absolument expliquer le jugement d'Allah dans ces choses-là, ce qui est de l'obéissance, ce qui est de la désobéissance, ce qui est convenable et ce qui est blâmable. Yulzamu bidalika wa yukhad ala yad al-mukhalif hatta yastama al-mujtama'u min al-halak. Amma idha tulika al-amru bil ma'rufi wal nahy 'an al-munkar hada sababun lihalaki al-mujtama' jami'an as-salih wat-talih. فالناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. نعم. Donc il a dit que il faut clarifier aux gens ce qui est l'obéissance et ce qui est la désobéissance. Ensuite, il faut les obliger à cela et il faut prendre par la main de celui qui contredit cela, celui qui fait une erreur, celui qui fait quelque chose de blâmable. Il faut le prendre par sa main et lui imposer la punition qui lui convient, de sorte à ce que la communauté soit préservée de la destruction et du châtiment. Il a dit, mais par contre, si jamais les gens, ils voient, ou plutôt ils délaissent le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, ça c'est une cause de perdition et une cause de châtiment aussi pour toute la communauté, que ce soit ceux qui sont pieux, ceux qui sont pervers. Il a dit que les gens, s'ils voient le blâmable, ce qui est blâmable, et qu'ils ne le changent pas, c'est quasiment sûr qu'Allah Azza wa Jal, il peut les châtier tous d'un châtiment qui vient de lui. Comme il dit dans le verset, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ لِنَا ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا. Craignez un châtiment, une fitna, qui ne touchera pas ceux qui sont injustes parmi vous seulement. Ça veut dire que ça touchera tout le monde, ceux qui sont injustes et ceux qui ne sont pas injustes. Ça, c'est dans le cas où ceux qui sont injustes, on ne les blâme pas et on ne leur dit pas que ce qu'ils font, c'est de l'injustice. Ensuite, le Cheikh a dit: فالحكم بما انزل الله عام ليس خاصا بمسائل المنازعات والخصومات في الاموال فقط كما يظن بعض الناس. اما امور العقائد فالناس يتركون كل يختار ما يريد ويبقى على ما يريد، فهذا امر عظيم وخطير جدا. فحكم الله شامل لكل هذه الامور وما هو اكثر منها. Donc il a dit que le fait de juger par ce qu'Allah a révélé, c'est vaste, c'est pas restreint aux litiges et aux problèmes entre les gens dans les questions financières ou autres, comme certains le pensent, mais plutôt les points de la croyance, ça rentre dedans aussi. Et le cheikh a dit que les points qui sont en rapport avec la croyance, les gens ils sont délaissés, chacun choisit ce qu'il veut, chacun reste sur ce qu'il veut. Ça, c'est quelque chose de très dangereux et quelque chose d'immense. Donc, le jugement d'Allah Azzawajal, ça englobe toutes ces choses-là, et ce qui est important, ce qui est plus important que ça, les choses qui sont les divergences entre les gens, les litiges, et ça englobe tout ça, ça englobe ça, et ça englobe aussi tout ce qui est en rapport avec la croyance. Ensuite, il dit وَيَجِبْ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا مِنْ أَعْمَالِهِمْ أَنْ يَلْزَمُ النَّاسَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى. قال تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Il a dit que c'est obligatoire pour les dirigeants de juger avec ce qu'Allah a révélé, et ça, c'est partie de leurs actions, c'est partie de leurs actions, leurs fonctions, et qu'ils imposent aux gens le jugement de Allah. Comme Allah a dit dans le verset, إِنَ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. إن الله نعم ما يعيدكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Certes, Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. فهذه في الحكام. Mais chers, ça c'est ce verset-là, c'est à propos des dirigeants, c'est à propos des dirigeants et des juges. وفي المحكومين الآيات التي بعدها مباشرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le verset qui est après, c'est pour ceux qui sont les sujets, le peuple, ceux qui après, directement après, il a dit ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour du jugement dernier, cela sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Le cheikh dit que ce verset-là, c'est à propos des sujets, ceux qui sont le peuple, et que c'est obligatoire pour eux de juger et de revenir quand ils veulent juger au livre d'Allah, au Coran et à la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire pour les dirigeants de juger avec la loi d'Allah, la législation d'Allah, et c'est obligatoire pour les sujets et le peuple aussi, quand ils veulent juger entre eux, de revenir à la législation, à la charia et au jugement d'Allah. Il ne s'est pas permis de juger et de revenir pour juger entre eux au Tarout. Et Tarout, c'est toute personne qui ordonne aux gens de dépasser les limites, que ce soit un shaitan, que ce soit quelqu'un qui suivit, que ce soit quelqu'un qui obéit, ainsi de suite. Mal Kawanin et les lois que les hommes ils ont mises et qu'ils ont fabriquées. قال تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ceux qu'on a fait descendre vers toi et à ceux qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ceux qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu les vois, les hypocrites, s'écarter loin de toi. نعم يعني فسبب نزول هذه الآية كما هو معلوم أنه حصلت خصومة بين رجل من المنافقين الذين يزعمون أنهم مسلمون وبين يهودي فقال اليهودي نتحكم إلى محمد لعلمه أن محمدا لا يأخذ الرشوة وقال منافق نتحكم إلى كعب ابن أشرف اليهودي لأنه يأخذ الرشوة مع زعمه أنه مؤمن فأنزل الله هذه الآية. Le cheikh a dit que la cause de la révélation de ce verset, c'est qu'il y a eu un litige entre une personne parmi les hypocrites qui prétendait être musulman et entre un juif. Et le juif, il a dit qu'on prend Mohammed comme juge parce qu'il sait que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il ne prend pas l'usure, il ne prend pas les pots de vin. Et le munafiq, il a dit non, on prend Ka'b ibn al-Ashraf, le juif, comme juge parce qu'il sait que cette personne-là prenait l'usure et les pots de vin, malgré qu'il prétendait être croyant. Donc après, Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent croire en ceux qui t'a été révélé à toi, ceux qui étaient révélés avant toi, ils veulent prendre comme juge le Tarout, wa huwa Ka'b ibn al-Ashraf. Et là, le cheikh a dit que Tarout ici, c'est Ka'b ibn al-Ashraf. وغيره ممن يحكم بغير ما أنزل الله et autre que lui parmi les personnes qui jugent par autre que la loi d'Allah qu'il a révélée فكل من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا فهو طاغوت والطاغوت من الطغيان وهو الخروج عن الحق il a dit que toute personne qui juge par autre que la loi d'Allah en faisant exprès, c'est un tarout. Et tarout, ça vient de At-Turyan, le fait de dépasser les limites. Comme elle a dit, Inna lamma taral ma'u hamalnakum fil jariya, lorsque l'eau a débordé. Donc, At-Turyan, c'est le fait de dépasser les limites et c'est de sortir de la vérité. Et là, le Cheikh a dit que tarout, c'est toute personne qui juge par autre que la loi d'Allah. Et comme il a dit, Ibn al-Qayyim, que At-Tarutu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin ou matbu'in ou muta'. والطغاويت والطغاويت كثيرة وخروج ورؤوس خمسة ورؤوس خمسة إبليس لعنه الله من عبده وأراد ومن دعا ناس إلى عبادة نفسه من ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله كما يجي من القيم que طاغوت c'est toute chose qui fait que la personne dépasse ses limites que soit من معبود أو متبوع أو مطاع que soit quelqu'un qui est adoré ou qui est suivi ou qui est obéi et il dit que les Tawarit, ils sont nombreux. Les Tawarit, ils sont nombreux. Mais leur tête, ils sont nombre de cinq. Iblis, c'est le premier, le plus grand Tawarit, et c'est un de ses noms même. Le Tawarit, comme elle est ici dans le verset, elle dit وَيُّنَا يَتَحَكَمُ لَلْتَوْرُوتِ وَكَدْ أُمِرُوا يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانِ Il a dit aussi الَّذِينَ أَمَنُوا يُقَادِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَنِنْ كَفَرُوا يُقَادِرُوا فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ شَيْطَانِ إِنَّا كَدَ شَيْطَانِ كَانَ ضَعِفًا Donc il a dit que les mécréants combattent dans le sentier du Tawarit. Ensuite il a dit de combattre les alliés du Shaitan. Donc, c'est-à-dire que le Shaitan, le Tawarit, c'est la même personne. Donc le Tawarit, le premier, première tête, c'est Iblis. Ensuite, celui qui a adoré et qui a créé cette chose-là, celui qui dit aux gens d'adorer, et ensuite celui qui prétend connaître la science du rêve, et le cinquième, celui qui juge par autre que la loi d'Allah. Comme l'a dit le cher ici, toute personne qui juge par autre que la loi d'Allah, eh bien, ça c'est un tarout. Ensuite, il a dit, وَقَدْ أُمِرُوا يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Donc le verset Allah dit n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en toi et à ce qu'on t'a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi ils veulent prendre pour juge de ta route alors que c'est en lui qu'on leur a donné de me croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement et lorsqu'on leur dit venez vers Allah et ce qui a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter de toi jusqu'à ce qu'il ait dit, Fala ou Rabbika, non par ton Seigneur, ils ne croiront pas, Hatta yuhakimu kafi ma shajara bainahum, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge à propos des litiges entre eux et des conflits entre eux. Donc ce verset-là, comme il est cher, c'était révélé à propos de cette histoire-là. فيحكمون الرسول في حياته ويحكمون ما جاء به من الكتاب والسنة بعد مماته ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما donc ils prennent le prophète صلى الله عليه وسلم comme juge pendant sa vie et ensuite ils prennent la sunna et le coran comme juge après sa mort ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما après cela ils ne trouvent rien comme angoisse pour ceux que tu auras décidé et qui se soumettent complètement à ta sentence. Le Cheikh l'a dit, « Fayajib al-Muslimin, hukkaman wa mahkumin, yahkumu wa yatahakamu ila shari'illahi subhanahu wa ta'ala, wa la yastabdiluhu bi ghayrihi, wa la yakoulu al-hakim ou al-hukkam, nahnu nakhsha min al-dual al-kubara. Fahada shay'un yufridunahu alayna, fahada la yajuz. » Non, il dit que c'est obligatoire pour les musulmans, que ce soit des dirigeants ou des sujets qui jugent et qui prennent comme juge la religion d'Allah et la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne changent pas contre rien, qu'ils ne changent pas cela contre rien, et que les dirigeants ne doivent pas dire que nous avons peur des grands pays, nous avons peur des grands pays, des grands États, comme ils disent soi-disant pour la politique, et que ça c'est une chose qui nous oblige de faire. Le Cheikh a dit que ça c'est pas permis. Lahum. لا يجوز لهم لأنهم مسلمون يجب عليهم الالتزام الإسلام يجب عليهم الالتزام الإسلام فعندهم في الأعراف الدولية أن لا تتدخل دولة في شأن دولة أخرى في سياستها الداخلية، هذا في حكمهم هم. أما حكم الله عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا رجعنا إلى أنظمتهم وجدنا أنه لا يجوز عندهم أن تتدخل دولة في أنظمة دولة أخرى وشؤونها الداخلية، فكيف يقول هؤلاء نحن مفروض علينا؟ فهذا لا يجوز أبدا للحاكم المسلم أن يخضع لغير حكم الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول لنبيه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك من بعد ما أنزل الله إليك. هذا خطاب يشمل كل حاكم من حكام المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، il a dit que c'est pas permis pour les dirigeants qui disent que soi-disant on est forcé par d'autres pays, qu'on a peur des grands pays, des grands États. Et Cher a dit que même si on regarde, on voit que dans ceux qui disent dans la politique, que c'est pas permis pour un pays de se mêler de la politique intérieure de notre pays. C'est pas permis pour un pays et un État de rentrer et de se mêler de la politique intérieure de notre pays. Et ça, c'est par rapport à leur jugement à eux. Par contre, le jugement d'Allah, Azzawajal, c'est pas permis d'obéir à une créature pour désobéir à Allah. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Et que si jamais on revient quand même à leurs règles qu'ils ont mis entre eux, on verra que ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis pour un pays de se mêler de la politique intérieure de notre pays. Donc ce n'est pas permis, comme dit Cheikh Fawzan, pour un dirigeant musulman, un président musulman, qui se soumette à autre que le jugement d'Allah et qui prenne ça comme excuse. Et surtout que dans leur loi, eux, entre les pays, ils disent que c'est interdit pour un pays de rentrer, de se mêler de la politique intérieure de notre pays. Alors qu'Allah dit Azzawajal au prophète « وَنِحْكُمْ بَيْنَ مِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ » Juge entre eux par ce qu'Allah a révélé et ne suis pas leur passion. Ne suis pas leur passion. « وَحْذَرْهُمْ » Fais attention qu'ils t'égarent en bas les mains en l'air et qu'ils t'égarent à propos de ce qu'Allah t'a révélé. Le Cheikh a dit que ça c'est un khitab. Ça c'est général, c'est un appel qui est général, qui englobe tout juge et tout président parmi les présidents musulmans et tout dirigeant musulman après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il a dit فَمَسْأَلَةُ الْحُكْمِ مَا فِيهَا تَفَاصِيلٌ كَمَا ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فَلَا يُطْلَقُ الْكُفْرُ على كل من حكم من غير ما أنزل الله بل يفصل في هذا بين من يرى أن حكم غير الله أحسن أو أنه يساوي حكم الله أو أنه مخير فهذا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة. أما من كان يرى أن حكم الله هو اللازم وهو الحق لكن مخالفه لهوى أو لرشوة أو لطمع دنيوي فهذا يحكم عليه بأنه كفر دون كفر وأن هذا فسق أن هذا فسق. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فيحكم عليه بالفسق ونقص الإيمان. وهذا الناقد الرابع من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ رحمه الله يتضمن مسألة مهمة هي مشكلة العصر الآن. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بما أنزل الله ويوفق المخالفين لذلك بأن يرجعوا إلى الحق والصواب. الشيخ a dit que le fait de juger par ce qu'Allah a révélé, c'est une masala qui est très importante et qu'il y a un tafsir, il faut détailler, comme ils ont dit les gens de science, les savants du tafsir. On ne peut pas dire de façon générale que toute personne qui juge par autre que la loi d'Allah est mécréant, mais il faut détailler, il faut faire la différence, il faut faire la différence entre celui qui voit que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, ou que c'est pareil que la loi d'Allah, ou que c'est au choix, qu'on a le choix. Celui-là, c'est sûr certain qu'on jugera que c'est un mécréant qui sort de la religion. Si la personne dit que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, ou que c'est pareil que la loi d'Allah, ou qu'une autre loi est pareille que la loi d'Allah, ou que c'est au choix entre la loi d'Allah et la loi d'autre qu'Allah Azzawajal. Et celui-là, en tout cas, le Cheikh dit que ça, c'est un mécréant qui fait sortir de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Et la personne qui a cette croyance-là, on jugera que c'est un mécréant. Par contre, celui qui sait que le jugement d'Allah, c'est ça qui est obligatoire et que c'est ça qui est la réalité, mais il contredit ça suite à une passion, suite à de la rishwa, c'est-à-dire un pot de vin ou de l'usure, ou par espoir ou pour une envie de pouvoir ou pour un intérêt mondain, ça, on ne jugera pas que c'est un mécréant, mais on dirait que c'est de la mécréance mineure, de la mécréance mineure, kufr duna kufr, et que c'est de la perversie, comme on a dit dans le verset, « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » Et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a révélé, ce sont eux les pervers. Donc, on jugera que c'est un pervers et qu'il a une foi qui est faible. Mais on ne jugera pas que c'est un mécréant. On ne jugera pas que c'est un mécréant qui sort de l'islam. Donc, ça, c'est le quatrième annuatif qu'il a cité le cheikh, qu'elle a fait ses miséricordes. Et le cheikh a dit que cet annuatif-là, il contient une masala qui est très importante, un sujet qui est très important. Et c'est le problème de notre époque. C'est le problème de notre époque maintenant. Et le cheikh, il a dit qu'on demande à Allah Azzawajal qui donne la réussite aux dirigeants musulmans de mettre en application le jugement d'Allah et de juger par ceux qu'Allah a révélé et qu'il guide aussi ceux qui contredisent cela à revenir à la vérité et à la réalité. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Hada wallahu a'lam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته